chaque fois que sur ma route un amour vient rôder. Chaque fois que je l'écoute, que j'oublie le passé, quand mon cœur soudain s'arrête, soudain s'apprête à chanter. Chaque fois une autre route commence à m'entraîner, il revient ton souvenir, il revient me déchirer, et mon cœur ne peut s'ouvrir, je ne sais plus aimer. Comment dire, comment redire ce que nous on s'est dit? Comment croire, comment recroire lorsque nous c'est fini? Et pourtant, moi je m'entête, moi je répète les mêmes mots. Chaque fois que je m'arrête devant des yeux nouveaux, il revient ton souvenir, il revient me déchirer, et mon cœur ne peut s'ouvrir, je ne sais plus aimer, je ne sais plus aimer.